Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons un chapitre unique de la carrière de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, direction 1995 avec Lorada, son 39e album studio, un album légendaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Miss Claudie qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Lorada n'est pas qu'un simple album, c'est un morceau de vie, un clin d'œil à ses enfants, Laura et David, et un véritable voyage musical marqué par l'élégance et l'émotion. Préparez-vous à plonger dans cette œuvre intemporelle, produite avec passion et talent. La croise tous les matins, 5h40, elle va prendre son train, et moi je rentre. Après Rafton en 94, un album résolument tourné vers l'international, Johnny revient avec Lorada, une œuvre beaucoup plus personnelle. Le titre d'ailleurs est un clin d'œil direct à la villa qu'il possédait à Ramatuelle, une maison qu'il a baptisée en fusionnant les prénoms de ses enfants, Laura et David. Pour cet album, Johnny fait appel à Jean-Jacques Goldman, espérant une nouvelle collaboration aussi marquante que leur travail ensemble sur Gang. Bien que Goldman refuse d'écrire tout l'album, il accepte de le produire et compose deux titres essentiels, Le regard des autres et Le magnifique Je la croise tous les matins. L'enregistrement se fait dans des conditions exceptionnelles, notamment dans le cadre paisible de la Lorada et les studios aussi Guillaume Tell en région parisienne. Eric Benzi, un des collaborateurs de Goldman, joue un rôle clé dans les arrangements et la réalisation. Lorada, le 39e album studio de Johnny, sort le 19 juin 1995 et c'est une parenthèse intime et émouvante dans la carrière du rocker légendaire. Cet album est produit par Jean-Jacques Goldman et réalisé par Eric Benzi et cet opus reflète un mélange subtil de rock, de blues et de balade. Porté par des arrangements élégants et une interprétation sincère, Lorada dévoile un Johnny authentique entre introspection et puissance musicale. Il n'y a pas plus bavard qu'un regard. On vous a dit tout petit les bons points, les fautes. Moi j'ai appris la vie dans le regard des autres. Eh bien, nous allons maintenant entrer dans le détail des 13 titres qui composent cet album. Cet album commence par le titre Lorada. C'est une introduction courte mais intense qui met en avant une ambiance aérienne et contemplative. Une ouverture symbolique comme une porte vers l'univers de l'album. L'utilisation des titres de l'album pour texte de cette introduction est vraiment originale et n'a, à ma connaissance, jamais été utilisée par aucun autre artiste. C'est remarquable. Est-ce que tu me veux encore ? Ce titre est porté par la guitare de Gilda Sarzel et parle d'un amour incertain. Johnny y dévoile une fragilité rare, sublimée par une mélodie empreinte de mélancolie. Restez libre, avec des sonorités bluesy, cette chanson est une véritable déclaration d'indépendance. On y retrouve un Johnny fidèle à lui-même, revendiquant son besoin de liberté. Et bien ensuite, Le regard des autres, signé Jean-Jacques Goldman. Ce titre est une perle. Johnny chante avec une sincérité désarmante sur la pression des jugements extérieurs, dans une performance vocale inoubliable. Et Lady Lucille, que dire de Lady Lucille ? Inspirée par des sonorités rock et blues, cette chanson, légère et rythmée, nous plonge dans l'univers d'un Johnny séducteur et espiègle. Lady Lucille, tu sais, je compte sur toi. Lady Lucille, fais qu'il compte avec moi. 'Rêve à faire, une balade douce portée par des superbes guitares acoustiques où Johnny évoque ses rêves et ses désirs avec une poésie délicate. Viens ensuite, Je la croise tous les matins, grand tube de l'album, écrit par Goldman. C'est une chanson simple mais universelle sur les rencontres fugaces et les instants volés. Un morceau emblématique tant pour les paroles que pour sa mélodie mémorable. Chercher les anges, un titre plus long et contemplatif, signé Jacques Veneroso, qui offre une profondeur rare. Johnny y explore des thèmes spirituels avec une intensité poignante. Tout feu, tout femme, un morceau énergique, parfait pour réveiller l'auditeur. Les guitares électriques et les chœurs apportent une dimension rock incontournable. Quand le masque tombe, Eric Benzi propose ici une chanson à l'ambiance mystérieuse, hein, carnavalesque, où Johnny évoque les apparences et les vérités cachées. Quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Je suis qu'un homme quand la nuit est loin. Ami, c'est un morceau plus intimiste, presque comme une conversation murmurée. Johnny chante l'amitié avec une émotion sincère. Aime-moi, c'est une balade romantique où la voix de Johnny brille de toute sa puissance. Les arrangements minimalistes, mais élégants, restent parfaitement à suivre le propos. Et pour clore cet album, on trouve « Ne m'oublie pas ». L'album se termine sur une note émotive. Johnny, dans un ultime appel, livre une performance à fleur de peau pleine de nostalgie. Ne m'oublie pas. Alors, bien que Lorada n'ait pas connu le succès commercial des plus grands albums de Johnny, malgré tout certifié disque de platine, 600 000 ventes certifiées, ce qui est quand même énorme, il reste une œuvre marquante dans sa carrière. Il symbolise une période de maturité artistique et personnelle, où Johnny explore des thèmes plus introspectifs et plus personnels. D'ailleurs, le Lorada Tour, qui suit la sortie de l'album, en est la parfaite illustration. Des spectacles à Bercy et dans toute la France montrent un Johnny en pleine possession de ses moyens, livrant des performances inoubliables de titres comme « Je la croise tous les matins » ou « Le regard des eaux ». Alors, 4 singles sont extraits de l'album Lorada. Il y a d'abord « Je la croise tous les matins » qui est sorti le 6 juin 1995. Ensuite, il est suivi de « Ne m'oublie pas » le 23 août 1995. Oui, et puis ensuite on a Quand le masque tombe qui sort le 21 novembre 1995 et Restez libre qui sort le 12 mars 1996. Allons maintenant sur les concerts du Lorada Tour à Bercy. 20 concerts du 12 septembre au 1er octobre qui attireront 250 000 spectateurs. La tournée, elle, commence du 11 octobre au 5 décembre avec 43 concerts supplémentaires. RTL présente Lorada. Je la croise tous les matins. Le nouvel album de Johnny Hallyday. Un cœur 40. En concert à Bercy à partir du 12 septembre. Ne m'oublie pas. L'événement de la rentrée avec Lorada, son nouvel album. Nous reviendrons sur le Lorada Tour dans un podcast spécifique, tant ce Bercy a été important. Jugé plus rock avec un medley qui reprend des anciens titres et surtout un final qu'on avait peu connu avec une chanson d'amour, l'hymne à l'amour. Rook, tu n'aurais pas un ou deux potins sur cette année 95 à nous donner ? Oui, bien sûr. En janvier, Johnny est invité au Midem de Cannes et il reçoit les insignes de chevalier des arts et lettres par Jacques Toubon. Et Polygram lui offre une Harley Davidson. Fin mars, il rencontre Laetitia Boudou, qui sera sa dernière épouse. Le 9 mai, il divorce pour la deuxième fois de Adeline. Bon, il y a eu aussi une ou deux télés, notamment sur Paris Première et Destin de Star sur TF1. Puis en mars, il y a eu aussi une soirée spéciale sur Arte, je ne sais pas si vous en souvenez. Pour moi, Lorada est un album essentiel, un de ses meilleurs albums. Il capture un Johnny Hallyday en quête de sens, d'intimité et d'authenticité. Chaque chanson, qu'elle soit douce ou énergique, porte une part de lui, une part de Johnny. Et si vous n'avez pas encore plongé dans cet album, je vous encourage à le découvrir. C'est un moment suspendu dans la carrière de Johnny, une parenthèse musicale où il se dévoile sous un jour nouveau. Et petite info, on parle de Goldman, mais dans cet album, Gilda Sarzel s'implique sur plusieurs titres. C'est le leader du groupe Canada qui avait fait mourir les sirènes. Roule, roule, toute nos vies. L'amour infidèle. Et tourne, tourne. s'il ne restait qu'un mot sur mes lèvres. Amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'Orada. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos souvenirs liés à cet album. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et merci Claudine pour ta participation. C'était très sympa. Et à très bientôt pour un nouvel épisode et une autre facette de l'immense carrière de Johnny Hallyday. Salut Claudine, merci. Salut tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Bye. Ciao. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quand tu es au pays de tes rêves. Ne m'oublie pas.